vous boirez sans moi la dernière. Comptez pas trop sur moi à soir. Il faudrait bien que j'arrive à l'heure pour enterrer le bonhomme cette heure. Je dois jeter dans son cercueil 10 coups de règle sur les doigts, un évangile et quelques lois, le mauvais œil. Je dois jeter dans son caveau tous les désirs des enfants sages, ceux qui ont fait que j'ai la cage et les barreaux. Vous boirez sans moi la dernière. Comptez pas trop sur moi. Il faudrait bien que j'arrive à l'heure pour enterrer le bonhomme cette heure. Je dois jeter dans son cercueil 11 ans d'école et de cafard. Les mains sur les draps des dortoirs, le corps en deuil. Je dois jeter dans son caveau la seule cravate que j'ai mise, et le veston et la chemise. Et le manteau. Vous boirez sans moi la dernière. Comptez pas trop sur moi à soir. Il faudrait bien que j'arrive à l'heure pour enterrer le bonhomme cette heure. Bonhomme, cette heure. Je dois jeter dans son cercueil les 14 ans de cette fée. J'ai eu trop peur, j'ai pas osé passer le seuil. Je dois lui jeter sur le corps l'idée que j'ai des choses à faire, et le paradis et l'enfer, et puis la mort. Quand on l'aura mis dans sa tombe, je reviendrai vous dire combien on se sent libre, on se sent bien avant qu'un autre vienne au monde, avant qu'un autre vienne au monde, avant qu'un autre vienne au monde, avant qu'un autre vienne au monde.